بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في حديثين لأنهما من موضوع واحد، دو حديث كي سون دو ميم سوجي، اي سو لو دو ديرني حديث دو سو باب كي باب الإمامة. يقول الحديث 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيكم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Selon Abu Huraira رضي الله عنه, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: si l'on trouve fait la salat, c'est-à-dire qu'il est imam, alors qu'il allège la salat, car il y a parmi vous le faible ainsi que le malade ainsi que la personne qui est dans le besoin, qui a des choses à faire. Et que si une personne, l'un d'entre vous, fait la salat seul, alors qu'il allonge comme il le veut. Wal hadithu athamin wa sab'un, 78e hadith. An Nabi Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anhu, قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن الصلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائكم الكبير والصغير وذا الحاجة. Donc selon Abu Mas'ud Uqba al-Ansari al-Badri, il a dit qu'un homme s'est rendu auprès du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que je tarde à venir à la salat, ou je sors de la salat, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là, la salat du sobh, soit j'arrive en retard ou soit j'en sors du fait qu'un tel allonge la salat. Donc il dit, c'est-à-dire Abu Mas'ud, je n'ai pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se mettre en colère lors d'une exhortation plus durement que celle-ci ce jour-là. Et il dit: ô vous les gens, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Donc celui d'entre vous qui préside la salat pour les gens, alors qu'il la fasse courte, c'est-à-dire qu'il allège, car il y a derrière lui l'âgé ainsi que le jeune, enfin c'est-à-dire l'enfant petit, et la personne qui a des choses à faire, qui est occupée, qui a des besoins. Non. فقال فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى في هذين الحديثين. Ces deux hadiths. أولا, premier rapporteur c'est Abu Huraira. Du premier hadith, dont la tarjama a déjà été citée dans le deuxième hadith. Wa rawi thani, deuxième rapporteur, c'est Abu Mas'ud Uqba ibn Amr ibn Tha'labah al-Ansari al-Khuzari wa Khuzraji afwan. Shahida bi'at al-Uqba wa shahida ghazwat Uhud. Wa shahida ghazwat Uhud wa ma ba'daha. Donc ce sahabi, il a assisté justement à l'époque d'allégeance de Uqba, et il a assisté à la bataille de Uhud et celles qui ont suivi. Wa jazama al-Bukhari bi annahu shahida ghazwat Badr wa qila lam yashhadha wa inma nazalaha fa nusiba ilayha. Et al-Bukhari a affirmé qu'il a assisté à la bataille de Badr, parce qu'on appelle Badri. Et en réalité, les ulama ont dit que al-Bukhari là-dessus s'est trompé, et qu'en réalité, il a été appelé le Badri du fait qu'il a vécu à Badr, et non pas du fait qu'il ait participé à la bataille de Badr. Tawfiya sanat 40 min al-Hijra wa sahaha Ibn Hajar fi al-Isaba anna tawfiya ba'daha. Et il a été dit qu'il est mort en l'an 40 de la Hijra, et al-Hafiz Ibn Hajar, dans un autre livre à lui, dit qu'il est mort après celle-ci. Allahu ta'ala alam. Yaqul mawdu' al-hadithayn, le sujet des deux hadiths, bayan hukm tatwil al-imam li-salah, le jugement du fait d'allonger la salat, que l'imam allonge la salat. Yaqul fil sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Fil hadith al-awwal yukhbiru Abu Hurayra radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara an yusalli bin-nas imaman an yukhaffifa amara man yusalli bin-nas imaman an yukhaffifa bihim wa la yatajawaz al-mashru' fi as-salat min aqwal wa af'al la yashuq 'ala man wara'ahu. فإن وراءه ضعيف النية البنية والمريض وصعب الحاجة وكل حولاي محتاجون لتخفيف. Donc, dans le premier hadith, Abu Huraira informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui serait imam pour les gens, alors qu'il allège la salat, qui ne dépasse pas ce qui est légiféré dans la salat comme parole ou comme geste, pour ne pas rendre la chose difficile pour ceux qui sont derrière lui. Car parmi eux, il y a celui qui est faible de corps, celui qui est malade, celui qui a des choses à faire. Ne pas tarder non plus. Et que tous ces gens-là ont besoin que la salat soit allégée pour eux. أما من صلى وحده فلو يطول في الصلاة ما شاء لأنه لا يشك على أحد بذلك. Quant à celui qui fait la salat seul, en solitaire, lui alors il allonge comme il veut, car il ne fait subir à personne cela. Lui, si jamais il arrive à supporter cela, cela est bon pour lui, il a le droit de le faire. Mais pas avec les gens. D'ailleurs, il fait partie de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de prendre en compte les faibles, les plus faibles en général. Il disait même que quand il part en voyage, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reste derrière pour rester avec les plus faibles. Si jamais ils avaient un besoin, quoi que ce soit, car les forts, eux, peuvent se débrouiller, ils avancent. Mais les faibles ont besoin d'assistance. Au fil hadith, c'est ça, un deuxième hadith. Yurbilu Abu Mas'ud al-Badali anna rajulan ja'a ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yashku imamahu annahu kana yutilu an kanu yutilu bihim salat al-subh mimma adda ila an yata'akhar ar-rajul ash-shaki an as-salat ma'a al-jama'a min ajli tatwili. Dans le deuxième hadith, Abu Mas'ud, Uqba, informe qu'un homme est venu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de son imam, qu'il a rallongé trop la salat du Sobh. Ce qui a amené à ce que cet homme-là, comme je disais tout à l'heure, soit il arrive en retard volontairement, ou soit il sort de la salat volontairement. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a voulu dire par là. Salat en groupe, à cause de l'allongement de l'imam. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم s'est mis en colère pour cela. ووعظ الناس موعظة ما رأه أو موعظة ما رأه وما رأه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. Donc il a fait une exhortation dans l'ordre de laquelle il était en colère d'une colère sans précédent. C'est-à-dire pour Abu Mas'ud. Que ce jour-là. وأخبر أن من الناس من ينفرون عباد الله عن عبادة الله تعالى. Et qu'il informe que parmi les gens, certains font fuir les gens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amara man kana imaman fi an-nas an yukhaffif bihim. Après, il a ordonné à ceux qui étaient imams pour les gens d'alléger pour eux. Fala yatajawaz al-mashru' fi al-qira'ati wa ghayriha li anna wara'ahu kabir sin wa dha'if al-bunyah wa sahib al-haja. Donc il ne doit pas dépasser ce qui a été rendu légiféré comme la récitation. Dans le Coran, qu'il y a derrière lui l'homme âgé, celui qui est faible de corps et celui qui a des choses à faire. قال في فوائد الحديث essentiellement utile du hadith امر او امر الامام ان يخفف الصلاه بالناس فلا يتجاوز المشروع من قول او فعل مراعاه لذوي الاحذار. Qu'il a été ordonné à l'imam d'alléger la salat pour les gens qui ne dépassent pas ce qui a été rendu légiféré dans la sunna qui est venue dans le texte comme parole ou comme acte, et cela pour en observation justement de la situation des gens qui sont faibles, qui ont des excuses, qui ne peuvent pas rester longtemps. ثانيا انه يحرم ان يطيل بالناس تطويلا زائدا على المشروع الى ان يرضوا بذلك جميعا. Qu'il lui interdit de rallonger la salat plus que ce qui est légiféré, à part si les gens sont d'accord. Par exemple, il y a un groupe de toulab, des étudiants en sciences derrière lui, il n'y a que eux entre eux, et tous ils sont alhamdoulillah en mesure de tenir longtemps et le désirent, alors là il peut le faire s'il veut, il n'y a pas de problème. ثالثا ان تطويل الامام تطويلا زائدا على المشروع عذر في التخلف عن صلاه الجماعه معه. Et que le fait qu'un imam allonge trop la salat d'une chose qui n'est pas légiférée, cela est une excuse pour que les gens n'assistent pas à la salat en jamaa avec lui. Comme cela fut le cas dans le hadith de Mu'az ibn Jabal, qui faisait la salat du Isha, il avait lu surat al-Baqara, à tel point qu'un homme est sorti de la salat en jamaa, il a fait sa salat à côté tout seul. Et à la fin de la salat, Mu'az l'a qualifié de munafiq. Et l'homme a dit, je vais me plaindre auprès du Nabi sallam de ce que tu as fait. Et cet homme est parti voir le Nabi sallam, l'a informé des actes de Mu'az qu'il avait lu trop longtemps. Et là, le Nabi sallam a réprimandé Mu'az pour cela. Et il n'a pas dit à cet homme qu'il a eu tort de sortir de la salat. Donc dès là, des ulama ont dit qu'il est permis à l'homme, lorsque l'imam allonge trop la salat, chose qui dépasse ce qui est légiféré, il peut en sortir. Maintenant, attention, il y a des gens aussi, ils n'en font pas assez. Car pour eux, ce qui est long, ce n'est pas forcément ce qui est long en religion. Par exemple, quelqu'un il vient, je ne sais pas moi, il lit sourate, مثلا, au sobh, sourate al-insan et sourate al-sajda, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il va dire c'est trop long. On dit non, justement, ça c'est la sunna. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vendredi, il lisait ces deux sourates. Donc ce n'est pas un allongement, c'est ça la sunna. C'est ça le but du texte, là, c'est de dire que tu ne dépasses pas ce qui était rendu légiféré. Tu n'en fais pas plus que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Donc c'est pas non plus que les gens ils désirent ce que tu viennes, tu fasses sourate al-Kawthar, ou sourate kulhu Allah ahad seulement. Ça non. Si l'imam veut le faire, il peut le faire. Mais ne pas croire que c'est ça que ça veut dire être court. Ça peut être également des sourates plus longues. Sourate al-A'la, sourate al-Rashia, sourate al-Buruj, toutes les sourates de Juz'a'mah, de façon générale. Alors dans les courtes. Même al-Naba. Et d'autres sourates dans Juz'a-Tabarak, kazalik, au Fajr, ou à Kaza. Au Fajr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lisait de 60 à 100 versets. Ce qui équivaut, mais ce ne sont pas des longs versets, ce qui équivaut que c'est une certaine longueur. Donc ne pas non plus prendre en compte que les gens se plaignent lorsque eux-mêmes sont des gens faibles en religion, et non pas des faibles de corps. Du fait qu'ils sont fainéants, ou qu'ils n'ont pas envie, qu'ils veulent retourner dormir, ou je ne sais quoi. Ça, ce n'est pas à prendre en compte. Ce qui est pris en compte, c'est celui qui est âgé, qui a du mal à tenir debout, celui qui est très occupé, qui a un travail à faire, et celui, par exemple, qui est malade, et non pas les envies des gens. ثم قال خامسا مشروعية الغضب في الموعظة ليكون أبلغ في تأثيرها qu'il est permis d'être en colère lors de l'exhortation afin que celle-ci soit encore plus influente sur les gens. سادسا أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة إلا أن يقتضي الحاجة أو تقتضي المصلحة خلاف ذلك. Et que lorsqu'on fait une exhortation, le meilleur c'est de faire une parole générale, sans viser les gens en particulier. D'accord? Sauf s'il y a un besoin. Quand tu vois, par exemple, il est possible qu'un frère il fait une chose qui soit incorrecte et que toi, tu veuilles rectifier cette erreur de ce frère-là, tu n'es pas obligé de le nommer devant les gens. Tu peux dire, des gens font ou tel acte n'est pas à faire sans vouloir lui le mettre dans la gêne. Si tu vois que c'est une personne, par exemple, qui n'a pas fait exprès ou ce n'est pas une personne qui mérite d'être blâmée devant les gens. Mais des fois, il y a des gens qui font un mal qui amène à nuire aux autres et donc il faut clarifier en disant un tel fait telle chose. Par exemple, des gens le prennent comme une sunna, ce que cet homme il fait. Par exemple, pour pas que les gens reproduisent la chose, on dit attention à tel ce qu'il fait, telle et telle parole ou tel et tel acte. Et là, on le nomme. Cela est permis. Donc, ça, c'est ce qu'on a appris de ces deux hadiths aujourd'hui. Et de là, ça s'achève le chapitre de l'imam. Alhamdulillah.